On va parler de la série entre les Saguenay de Chicoutimi et les Huskies de Rouyn-Noranda. On le sait depuis hier soir. On va parler avec l'instructeur-chef des Huskies, Gilles Bouchard. Salut, Gilles. Ouais, salut. Gilles, dis-moi, c'est une série un peu spéciale contre les Saguenay de Chicoutimi. Je dois t'avouer là qu'on tue beaucoup du coin de l'œil parce que tu viens du coin, mais là, contre notre équipe locale, ben, pendant ça va être un peu particulier. Ouais, ça va être particulier là, tu sais, du fait que je viens du lac Saint-Jean, puis en plus j'ai joué pour les Sacs, fait que ça amène un élément supplémentaire là, fait que non, écoute, ça va être une série qui va être intéressante là. Puis à part de ça, puis il y a plusieurs joueurs également du haut du lac, pas du haut du lac, mais du lac Saint-Jean également, puis du Saguenay, là. Ouais, exactement là, dans notre équipe, nous autres on a Raphaël Harvey Pinard qui vient du lac Saint-Jean. Ben de Jonquière, après ça, on a nos deux gardiens de but, Olivier Tremblay, Samuel Harvey, fait que ça va mettre du piquet. OK. Effectivement, je regarde la série des gardiens de but, Olivier Tremblay, Samuel Harvey. Olivier Tremblay est en feu, moyenne de 1,94. Comment tu vas alterner avec tes gardiens de but? Oh, écoute, on n'a pas décidé encore là. Nous autres, ce qu'on a dit à nos gardiens de but, c'est que faut que tu sois prêt. On veut utiliser les deux gardiens de but pour chacune des séries. OK. Donc les gars sont conscients de ça. Fait qu'on va continuer dans le même sens probablement, là. OK. Est-ce que la grande glace du Saint-Georges Vézina peut. Ben c'est sûr que là, on y va avec 2-3-2. Vous avez l'avantage de la glace. Ça aide à quelque part. Mais les matchs à Ville-Saguenay, est-ce que ça peut désavantager les Huskies ou vous êtes capable de jouer sur cette grande glace-là? Vous êtes à l'aise? Non, on est capable de jouer cette grande glace-là. C'est sûr que les autres sont habitués puis ils font bien ça là, sur leur grande glace, là, sauf que on a une équipe rapide, fait que écoute, c'est sûr qu'avec des bons patineurs comme ça, puis avec l'espace de même, c'est pas quelque chose qui va nous désavantager. OK. Gilles, si on parlait maintenant, qu'est-ce que les Huskies doivent faire? Tu m'as parlé souvent de la Huskies Game, c'est souvent ça que tu m'as parlé. J'imagine que c'est le plan de match encore pour affronter les Saguenayens. Bon, faut jouer dans notre identité, la Huskies Game, puis faut utiliser notre vitesse. Je pense qu'on déstabilise beaucoup l'adversaire par notre vitesse. Puis l'autre chose qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir être efficace quand Nicolas Roy est sur la glace. C'est un des, sinon le meilleur attaquant dans cette ligue-là. Fait que c'est un joueur qui va faire attention tout le temps, là. OK. Parle-moi de la première série. Ça n'a pas été nécessairement facile contre les Moussets. Ils sont battus fort, les Moussets, hein? Ouais, écoute, moi, je savais que ça allait être une série qui allait être difficile, là. Ils étaient bien préparés. Ils étaient prêts à, tu sais, ils ont tourné la page à la saison. Puis ils ont des bons jeunes joueurs. Ils ont Ishii et Fortier, qui sont deux des meilleurs attaquants dans la ligue, puis Ishii est un des meilleurs joueurs au monde. OK. Pas de son jour d'âge. Fait que, tu sais, ça n'a pas été une équipe qui. C'est une équipe qui était difficile à battre, puis je pense qu'on s'est amélioré dans cette série-là de match en match, puis on. Écoute, c'est une série qui aurait pu aller d'un bord comme de l'autre, mais finalement, on a trouvé moyen de gagner. OK. Gilles, en terminant, je sais que tu es très occupé par la préparation. Le fait que les Huskies ont. Il y a plusieurs vétérans qui sont de retour, ça doit être un gros avantage aussi, là. Oui, on a plusieurs vétérans de retour, sauf qu'en même temps, on a vraiment besoin de nos jeunes aussi parce que, tu sais, on a plusieurs blessés encore, fait que faut que les jeunes prennent la relève, là. On a eu des blessés toute l'année, mais on est dans les séries, puis on en a encore, là. Fait que, tu sais, faut apprendre à dealer avec ça, puis écoute, dans l'ensemble, ça va bien, là. OK. Ben, Gilles, je sais pas si je dois te souhaiter bonne chance, parce que je dois te souhaiter bonne chance personnellement, mais contre notre équipe. Des bons succès. Bon succès! C'est très difficile En tout cas, Gilles, on s'en reparle durant les séries. Ouais, pas trop. Thank you, bye. L'instructeur-chef de Gilles Boucher.